Il y eut encore de nombreuses journées de cohabitation jusqu'à l'entrée de l'automne, je devrais dire des soirées. Chaque matin, je sautais du lit à 8 heures, enfilais un falzard avant d'entrer au salon, pour la pudeur, mais j'aurais pu débarquer à poil, aucun risque, elle était déjà partie en vadrouille. Son bol trempait dans l'évier, le reste du café gardé au chaud dans la cafetière, je n'avais plus qu'à me servir. Il y avait beaucoup de tristesse dans ces petits-déj solitaires, pas moins de 12 heures à tuer. Je n'avais pas repris l'écriture, incapable d'aligner 3 mots. L'envie s'était barrée ailleurs, mais je relisais chaque jour la dizaine de feuillets, et plus je la relisais, plus je trouvais l'histoire mal fagotée, sans couleur. Je me fis la promesse d'employer un langage plus orthodoxe, pétri de bonnes conjugaisons concordantes, chaque fois que je parlerais de Madame Roberts, si mon histoire arrivait jusqu'à elle. C'était pas de l'impossible, à condition de retourner dardard à la bibliothèque municipale et de m'imprégner des auteurs classiques, ce que j'avais commencé à faire depuis mon arrivée ici. Passer sans s'arrêter devant Boudard, mon scribouillard préféré. Je l'ostracise, Alphonse, en punition provisoire pour abus d'argot. Le travail serait long et fastidieux, mais mon œuvre était à ce prix. Avant de retrouver Madame Fargeau, il m'a fallu rejoindre Momo, en catastrophe et pour 2 jours cette fois. Le tiroir-caisse était vide avant l'heure, raclé jusqu'à la sciure, plus un bout de fromage dans le garde-manger, que dalle, et la cafetière chuétait un liquide clairet. Je ne pouvais pas laisser partir en guerre mon petit moineau défait sans munitions. Aucune plainte, jamais. C'était pas le genre de la maison. Mais il y avait de moins en moins de mégots de Marlboro dans le cendrier. Il devenait urgent de se refaire une épargne, d'amasser des noisettes. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, beaucoup. D'abord, quand il m'a vu débarquer sur le site, il s'est marré comme un bossu, Momo. T'aurais dit qu'il m'attendait. La place est toute chaude, qu'il m'a dit. Et je te laisse ma casquette, elle porte bonheur. J'ai pas bien pigé, sur le moment. Tu désertes? Pour 10 jours, camarade. Une contrainte par corps. Si je me présente pas à la porte, ils vont venir m'embarquer devant la clientèle. Ça fait désordre. Pas de ça, camarade. J'ai une réputation. Vite fait, il est allé passer la consigne aux collègues. Patouche, hein, c'est l'ancien combattant. Puis il a pris son baluchon sous le bras et il est parti frapper à la porte de la zonzon pour y purger ses 10 jours, comme un bon petit soldat. Je me suis installé en confort, une grosse pelisse sous le cul pour éviter les rhumatismes et un livre de poche, histoire de meubler la tente. Sur le coup des 10 heures, j'avais de quoi acheter une bouteille d'eau et un casse-dalle. Ça m'a filé la pêche quand le Hugo est venu me chercher des noises que j'empiétais sur son périph. Je l'ai envoyé se faire foutre. Après, c'était plus que de la pente douce. J'ai respecté à la minute le planning conseillé par Momo. Un peu de centre social en matinée, un zeste de monoprix au moment des courses ménagères, l'église Saint-Sauveur après les vêpres en clôture. J'ai remis le couvert, 4 jours d'affilée, le butin revenait, régulier, après chaque tombée de rideau, parfois un rappel sur le parvis de Saint-Sauveur, à vous de bon cœur, messieurs, dames. Il n'était pas trop chiche, le bourgeois auréolé cato. Beaucoup à se faire pardonner, sans doute, le scandale des curetons pédophiles, grand chambard au Vatican. Va falloir ouvrir la cagnotte pour dédommager tout ce monde, refourguer quelques calices en or, ceux qui dormaient dans un coffre à l'abri des jésuites. Bon, sans me faire l'avocat, laissez venir à moi les petits-enfants, ces paroles d'évangile. Ils ont pris à la lettre, les cons. Une vieille, enguirlandée du foulard, m'a refilé un bifton de 10 euros. Byzance à l'horizon. Devant Monoprix, je me suis fait une petite frayeur. Le machin inattendu qui te colle de la sueur sous la chemise même en hiver. Heureusement, je l'ai vu arriver de loin. La mère Bron, elle tirait son calier à roulette, fonçait droit sur moi, menton à l'attaque, juste le temps de retirer la pelisse, me la mettre sur la tête et piquer un faux roupillon pour abuser la fausse concierge. Ah, la jubile! Quand même, derrière les paupières, j'ai bien vu qu'elle ne jetait rien dans la casquette. Et je l'ai insulté copieusement à voix basse, pour le principe. Je ne l'ai pas vu au retour. Peut-être qu'elle avait pris une fausse sortie. Je suis revenu au nid en soirée, il faisait encore jour. J'ai rangé la bouffe au placard, aligné par ordre de croissance, les petites boîtes devant les grandes, les paquets d'arabica au frigo, la bière idem, et sur la table basse du salon, j'ai posé 2 paquets de Marlboro. Ils sont restés là toute la nuit, les paquets de club. Une nuit d'inquiétude à grosses gouttes, des appels incessants sur son portable et personne au bout. Il a fallu des tonnes de café, toutes les canettes de bière et 15 ou 20 clopes pour habiller le silence, anesthésier la douleur. C'était pas assez. Un bon coup de torpille qu'il aurait fallu. Non, un missile, Prozac et vodka. Bien touiller le tout, cul sec. Je me suis endormi dans le petit matin, la tête posée au creux des mains, les coudes sur la table, les reins en miettes. Et c'est encore elle qui m'a réveillé, peut-être à midi, je ne sais pas. C'est fou le nombre de fois qu'elle a pu me réveiller pendant cette période. Mais il y avait de la logique là-dedans. Elle, qui ne dormait jamais, ou alors en cachette, qui débarquait sans crier gare, et moi, le maire de service, le pionceur impénitent, qui ne sortait jamais des torchons avant 8 heures, parfois 9. À la longue, il n'y avait plus de surprise et jamais de renacle. C'était de la routine réglée montre suisse, enfin pas toujours. Ce matin, ou plutôt ce midi, j'ai apprécié moyen le réveil, et bien sûr, la bagarre est arrivée au galop, pas le temps de s'échauffer. Illico le rentre dedans. « Je vous ai appelé toute la nuit, vous faisiez quoi, merde ?» Je me suis fait voler mon portable. « Pardon ? Je me suis fait... Oui, j'ai entendu, je suis pas sourdingue. Où est-ce qu'on vous l'a volé ?» Je n'en suis pas certaine, mais je pense que le vol a eu lieu rue de la Soif. Putain ! Tout ce qu'il fallait pas dire ! Comme des remontées d'acide qui me sont venues à la gorge, et les souvenirs, pas très anciens, du flamenco endiablé sous une table ronde, les barbus costauds en goguette. « Mais qu'est-ce que vous foutiez rue de la Soif, merde ?» Elle me toisa d'un air furieux. « Selon vous, que vient-on faire rue de la Soif, sinon boire ?» Elle s'appellerait rue de la Faim, on viendrait y manger. Je n'ai guère apprécié l'ironie, j'étais pas en état. Le ton est monté, haut, plus haut qu'il n'aurait dû. Elle a tenté de me gifler. J'ai esquissé, j'étais plus furieux qu'un bestiau, mais je ne voulais pas en arriver au coup. Son corps frêle et mes grosses paluches, toutes tordues, mais encore vigoureuses. Non, je voulais pas. Je suis allé en cuisine, j'ai ramené la cafetière électrique, et je lui dis comme ça, on la casse tout de suite et après on se calme. J'ai trop envie de boire un café, qu'elle a répondu. Et moi donc ? J'ai été content de ma négociation. À force de faire des stages, on acquiert de l'expérience. À vous le café, et je dis, je m'occupe de la sono. Le concerto d'Aranjuez vous attend, cher ami. Heureuse d'apprendre que je ne suis plus votre fille, a-t-elle répondu, ni votre mère. Je l'ai entendu gratouiller dans la cuisine, la cafetière, les bols, les petites cuillères, tous ces bruits de rien qui sont comme une mélodie, un concerto surpassant de loin celui d'Aranjuez. Elle est revenue, le bazar en équilibre sur un plateau enveloppé d'arômes, elle a demandé « Vous avez fait un héritage, monsieur Campagne ?»« Ah bah ouais, les placards vides la veille, elle ne pouvait pas avoir oublié si vite. » Tout juste, j'ai hérité de Momo, un copain de lycée qui est mort hier matin. Je ne me crois pas. Vous ne me croyez jamais, que j'ai dit. Du café, on en a bu pas mal, en apéritif, puis on s'est mis à table. Mais déjà, il était 17 heures, et on a bu encore du café, en digestif cette fois. Les heures ont passé à toute vitesse. J'espère ne pas avoir gâché votre journée, a-t-elle dit. Un petit peu, mais pas trop. J'avais rendez-vous au centre social, j'irai demain. Faites-moi penser, avant de partir, de racheter un téléphone portable. Elle a peut-être pensé que je plaisantais, car elle n'a rien répondu. Je me voyais mal lui expliquer que pendant qu'elle foldinguait rue de la Soif, moi j'essayais d'apitoyer le charitable devant l'église Saint-Sauveur, et que mes 15 piges de métier dans les rues de Paname n'empêchaient pas la trouille. Kiff kiff le trac du débutant. C'est pour le coup qu'elle m'aurait dit « je ne vous crois pas ». Et pourtant, maintenant qu'il n'était plus question d'espérer aller vers du mieux entre elle et moi, que jamais je ne pourrais lutter contre cette dinguerie imprévisible, fallait me résoudre à jongler au milieu des emmerdes, prévoir les coups tordus, esquiver l'assommoir ou amortir la frappe. Sûr, je me sentais costaud, rodé à toutes les choses trappes, et surtout j'en pinçais à en crever pour mon petit moineau défait, que jamais j'avais ressenti pareil avec personne. Et dans ce domaine, tu vois, j'ai été comme un mioche, pas plus malin, pas plus averti. N'empêche, toujours en doute, quant à la tranquillité du sentiment. Je l'ai dit plus haut. Une affaire dangereuse, une roulette russe. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. Peut-être que cela s'apprend, comme un métier, comme faire la manche, et qu'après beaucoup de fausses notes, on finit par trouver le bon tempo. Peut-être. Le lendemain, je suis retourné au charbon. Il fallait 12 heures de taf sur le bitume. J'ai acheté un portable prépayé, un petit modèle pas cher, parce que j'avais enfin compris qu'il n'y aurait pas de trêve, que mon petit moineau ne descendrait pas du premier étage avant en bail. Tant que son palpitant pétaraderait comme un vieux moteur usé, elle pousserait la mécanique, à l'aveugle. Puis la dèche était toujours là, en embuscade, et ses palpognons tombaient dans la casquette qui nous sortirait de la mouise. Pour ça, il aurait fallu s'habiller en loterie, hériter tonton d'Amérique ou braquer une banque. De l'aléatoire. On a passé quelques jours à peu près peinards sans excès. De la bouffe dans la gamelle aux heures habituelles, du liquide mousseux, beaucoup de café qui noircissait les tasses et blanchissait les nuits. Elle avait gardé le même rituel d'évasion quotidienne. Des horaires de fonctionnaire, 8 heures du mat et retour le soir à la brune. Beaucoup de mots en longues phrases tortueuses, mais rien sur le temps présent ni le périple accompli. J'en apprenais bien plus à la regarder qu'à l'écouter. Sa pâleur et ses mains tremblotantes me disaient qu'elle avait sauté le repas de midi, bu trop de kir et marché trop longtemps. Parfois, elle revenait avec un poignet ou une cheville en compote que j'étais seul à remarquer. Je lui appliquais des compresses d'eau froide, de l'arnica s'il en restait en pharmacie, bref, du remède de bonne femme appris sur le tas qui était souvent inefficace. Elle n'avait pas plus de considération pour son physique qu'elle n'en avait pour son pognon. Tout ça, ce n'était que du secondaire, indigne d'être apprécié. La frangine est revenue fin août, un peu en avant sur le calendrier. Prévenue la veille seulement, je n'ai pas eu le temps de remettre de l'ordre dans l'appartement qui faisait champ de bataille rafistolé à la hâte. Les placards et le frigo pas bien garnis, et je savais qu'elle regarderait tout, d'un œil suspicieux, que rien ne lui échapperait. Je suis allé l'attendre au train comme d'habitude et nous avons déjeuné à la maison. Il restait pas grand-chose, mais elle n'a rien dit là-dessus, sauf pour le ménage qui n'était pas au top, et à ce moment elle s'est étonnée de ne pas voir mon amie, la mère de mes futurs enfants, à laquelle bien sûr revenait le rôle du ménage. Ben voyons, tout le monde n'est pas en retraite, que j'ai dit. Les gens ont une vie active. Ah, c'est bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dirige une coopérative agricole, une sorte de grand potager bio. Ce n'était qu'un demi-mensonge. Le bio, c'est l'avenir, qu'elle a dit, Colette, comme le Christ au repas d'adieu avec ses potes. Ensuite, elle a beaucoup parlé de ses gosses, le sujet de prédilection, sans faire allusion au mien. Sa portée de 6, c'était pareil, les jardins suspendus de Babylone, l'œuvre de sa vie. Elle te la brandissait bien haut, comme un étendard, la nichée de marmots, qui maintenant était tout sort du nid, volée à tire d'aile vers un futur prometteur. Pas un mot de solidarité envers le papa. Ils regardent le foot et basta. Toute seule qu'elle les avait fait les mioches. Et à bien considérer, c'était pas si énorme. Je n'arrivais pas à l'imaginer dans une relation amoureuse intense, la frangine, épanouie par une vue sexuelle imaginative, cul coincé sûrement. Un coït sans joie, vite fait après le match, 30 secondes, comme une éruption, un éternuement, à tes souhaits. Hop, enlever ses pesées. Tu peux commander la layette et préparer le biberon. L'analyse est rapide. La forme peu reluisante, aucune délicatesse au rencard du propos. Mais comme disait l'autre, tu auras compris l'idée générale. Colette a toujours aimé materner, c'est sa vocation. Avec Mézig, elle est entrée dans le métier par la petite porte. Son apprentissage. 6 piges de plus que moi, des vieux qui n'étaient pas excessivement concernés. Alors elle a pris le relais, de façon tacite, avec beaucoup de sérieux. Et que je te frotte le dos dans la bassine, les cheveux coiffés réglo. L'arrêt sur le côté, collé gomina, les plis du pantalon offerts à la pâte mouille, et pour parachever, la tenue des cahiers de classe vérifiés, le mot d'excuse écrit fine mouche, signé authentique. Vrai de vrai, t'aurais pas mieux fait comme Daron, mais je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé Sigmund. On a encore parlé des gosses, du projet qu'avait le petit dernier d'acheter un camping-car et de vivre la moitié de l'année au Maroc, l'autre moitié à Angoulême, un projet solide. Ne manquait que l'argent pour acheter le camping-car. J'avais très envie de lui faire remarquer que ce genre de projet, d'habitude, y concerne les couples retraités. Pas les jeunots de 35 piges, mais je me suis abstenu. Elle m'aurait balancé une de ses vérités premières, que le camping-car, c'est la liberté du prolo. Avant de la raccompagner à la gare, je l'ai promenée dans les petites ruelles de la vieille ville, pavée tête de chat, qu'elle trouvait casse-gueule. Parfois, d'un brusque virage à 180 degrés, j'évitais de justesse un lieu stratégique par peur d'une confrontation avec un de mes complices de manche qui n'aurait peut-être pas eu le réflexe ni l'envie de faire semblant. « Salut camarade, t'es venu avec du renfort ?» Momo, lui, m'aurait fait un clin d'œil discret. Je ne voulais pas courir le risque. Bien sûr, elle n'aurait pas tout pigé, la frangine, une rechute dans la mouise aussi rapide, en pleine fiançaille. Mais il valait mieux la fermer. Sur le quai, au moment des bises, elle m'a redit sa déception de ne pas avoir pu rencontrer Madame Roberts. Il était presque 20 heures. Je me suis manié le train pour entrer au Bercail avant mon petit moineau. J'avais cessé de préparer la gamelle à l'avance. C'était trop risqué. Ça portait la guigne. Je mettais une cafetière en route et j'attendais sa venue comme le messie. Le billet de 50 euros que m'avait laissé Colette somnolait sous le gros cendrier. Ce soir-là, je m'en souviens, elle est arrivée peu de temps après moi, la chevelure en braque et un mince filet de sang séché qui partait de l'oreille et descendait jusqu'au menton. J'ai pas posé de questions. Je lui ai nettoyé la joue avec un coton imbibé d'eau du robinet. Elle se laissait faire, silencieuse. J'ai dit « Attention, ça va piquer ». Ensuite, elle a tiré quelques billets de son sac, toujours le même sac de toile du premier jour, que personne n'avait encore volé, des billets de 10 et un peu de pièces. Elle a posé le tout sur la table. « C'est ma participation », qu'elle a dit. « Ce n'est pas grand-chose. » J'ai ajouté le billet de Colette, dit qu'à nous deux, nous possédions le début de la fortune, en précisant que le bifton venait de ma frangine, qu'elle le faisait à chaque visite. Elle a beaucoup regretté de ne pas vous voir, ai-je ajouté. Elle semblait étonnée. « N'est-ce pas un peu humiliant de recevoir de l'argent de sa sœur à votre âge ?»« Pas trop, non. Vous savez, c'est elle qui m'a élevé. Je la considère comme ma mère. » Et je lui racontais les séances de nettoyage dans la bassine, l'eau qui chauffait sur la cuisinière à charbon. Il n'y avait jamais assez d'eau alors. Souvent, le rinçage laissait à désirer. Il restait un peu de savon sous les bras quand je me rhabillais. Si je m'en plaignais, elle me disait « Te plains pas, en classe, tu vas sentir le propre toute la journée. » Madame Roberts a ri. En somme, m'a-t-elle dit, le billet de 50 euros, c'est la fin du rinçage. On peut le traduire ainsi. Vous avez faim? Je mangerai le monde. Pour fêter sa bonne humeur, la visite de Colette et nos fortunes réunies, décision fut prise de faire appel à un livreur de pizza, signe extérieur d'une richesse avérée bien que provisoire. Plus tard, dans la soirée, tandis que je m'inquiétais du saignement de son oreille et la pressais de questions, elle se remit en route vers des pays improbables, de l'autre côté de la planète, vers des entreprises humanitaires que tu pourras même pas imaginer l'existence, ni le mobile. J'ai compris que je l'avais perdue encore une fois. Le regard en vrille, la diarrhée verbale, plus aucun accès au réel. Pas que l'été, qui s'était barré du paysage. Il y eut encore quelques soirées pénibles, des disputes, des insultes, des bagarres et des remords, beaucoup de remords, comme des paquets de boue collés aux semelles. T'en fous partout et tu le traînes avec toi même au plumard. Bien sûr, il est arrivé ce moment tant redouté de la bascule, la trouille d'une chute fatale, irréversible, pouvait pas durer jusqu'à perpète les journées harassantes de marches forcées sur des routes caillouteuses, criblées d'ornières, les nuits sans sommeil sur un canapé d'occasion près de la porte, et tout ce vacarme dans la tête, amplifié de la voix, la gueulante des pauvres Zig. Allez, envoyez la musique. « Tintamarre de cafetière et de point-virgule, et le sang des oreilles. Mais jusqu'où iras-tu, mon amour ?»